sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, l'Amérique des écrivains français, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a ces élections américaines qui nous tiennent en haleine et une ancienne fascination-répulsion pour ce pays où tout semble être plus grand, voire démesuré. Alors pour commencer, les personnages. Un éditeur qui s'explique, un auteur lucide, une autrice et ses souvenirs, une écrivaine rêveuse, Kerouac, Ginsberg et une correspondante enthousiaste. Ensuite le décor. La brutalité, le puritanisme, la pornographie, le mensonge, la vérité, des mariages, le studio 54, la contre-culture, des campus, New York, la fugue, la religion, l'Arizona et le Colorado. Aujourd'hui, 4e épisode, on est en cinémascope. L'Amérique des écrivains français. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. L'Amérique bigger than life. Alors, l'Amérique, c'est une évidence, c'est le pays des extrêmes. Oliver Gellmeister. Donc la violence, par exemple, physique, y est beaucoup plus présente qu'en Europe occidentale. La violence verbale. Si vous regardez une campagne américaine, on a l'impression d'être dans les années 30 en France. C'est un pays brutal, par le climat, par les distances, par la misère sociale. Donc, évidemment, ça génère, là encore, un terreau extrêmement fertile pour la fiction. Une campagne présidentielle française, c'est pas très sexy. Une campagne avec Donald Trump ou Barack Obama, tout de suite, c'est autre chose. Il y a en fait, un fait qui est marquant aux États-Unis, c'est aussi que c'est un pays qui se met en scène en permanence. Oh, I got a live one here. Marc Duguin, quand avez-vous été aux États-Unis pour la première fois et dans quelles circonstances ? Les États-Unis, j'ai un lien assez fort avec les États-Unis parce que moi j'y étais assez jeune, j'étais en voyage comme ça, puis après j'y suis retourné pour des raisons professionnelles et puis j'y ai habité à New York et puis j'en suis revenu et en fait j'ai un lien très particulier avec les États-Unis parce que mon grand-père qui était marin naviguait sur le New York qui faisait la ligne Le Havre New York en 40. Et au moment où l'invasion allemande, au moment où les Allemands ont envahi la France, il était sur le New York, à New York, et donc il n'a pas pu revenir en France. Et du coup, il s'est engagé dans l'armée américaine. Bon, il y a quelque chose aussi d'origine irlandaise de côté de mon père. Il y a plein de points d'entrée en fait. Et puis évidemment, il y a tout mon imaginaire d'adolescent sur les États-Unis. Quand j'étais jeune, c'était les grands espaces. C'est une passion que j'ai gardée, même si les grands espaces n'arrêtent pas de se rétrécir. Et puis, il y a surtout cet intérêt que j'ai eu, moi, pour la contre-culture, pour toute cette période des années 60, 70. Alors moi, j'étais un peu trop jeune, donc j'étais toujours un peu en retard. Et en même temps, j'avais énormément d'intérêt pour la contre-culture, pour le mouvement hippie, pour tout ce qui s'est fait en musique à ce moment-là. Moi, je suis mis à jouer de la musique assez tôt, et un intérêt, je dirais, à travers la musique aussi, parce que le jazz, parce que la pop, parce que le rock, parce que le jazz fusion, enfin plein de choses comme ça qui sont fondamentales pour moi. Donc tout ça fait voilà un amour des États-Unis et en même temps une haine profonde pour ce qu'ils sont capables de faire par moment. Parfois, je me demande pourquoi j'ai fait tout ce travail. La démocratie, c'est un peu comme une famille avec des enfants très jeunes. Un jour, il leur vient l'idée de demander comment on fait les enfants, et on leur répond, dans les choux. Et puis avec le temps, ils finissent par comprendre par eux-mêmes. Si vous me demandiez si j'ai voulu laisser un témoignage sur une période donnée, je vous répondrais, certainement pas. Dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, et même des siècles, ce sera toujours la même chose. L'électeur nous laissera toujours le sale boulot. Il sait bien que là-haut, les choses ne sont pas si claires. Mais il ne sait pas toujours à quel point. Quand il le découvre, il fait mine de s'en offusquer. Mais tant qu'il est devant son téléviseur, avec une bière bon marché, et qu'il y a de l'essence dans le réservoir de sa voiture, il est plutôt satisfait que d'autres fassent ce sale boulot à sa place. Il est comme tout le monde, pris entre le rêve et la réalité. Le rêve, c'était Kennedy. Mais notre pays n'avait pas les moyens de rêver plus longtemps. Il y a toujours eu deux types de personnes dans nos métiers. Ceux qui veulent se faire aimer et ceux qui s'en moquent. Edgar et moi avons fait partie de la deuxième catégorie. Le pouvoir, au fond, c'est faire ce qui est dans l'intérêt de la nation et ne lui faire savoir que ce qu'elle peut entendre. La malédiction d'Edgar, Marc Duguin. La première impression, ça a été cette arrivée à Denver et le fait que... Maïlis de Kerangal. Durant ces jours, j'étais finalement assez solitaire. J'ai appris à conduire. Là, il y a tout un truc sur l'importance de la voiture, donc des chevaux dans le moteur de la voiture, hein, dans cette histoire de western. Je roulais beaucoup. Enfin, vous voyez, c'était une forme de vacances, de... On dit, je cruisais dans ces paysages, dans cette petite ville un peu totalement dépaysante et qui ont été pour moi, je pense, beaucoup plus dépaysante que New York. Et ce qui me sidérait, c'était cette impression que les villes étaient dessinées à un univers scénarisé, un peu ludique. Alors là, dont le motif, le thème, un peu comme un parc à thème, aurait été la conquête de l'Ouest, puisqu'en fait, moi, je vivais à Golden, qui était une petite ville. Créé par un chercheur d'or, où il y avait l'école des mines du Colorado, donc il s'agissait de creuser la montagne et tout ça. Et c'est pas du tout, évidemment, la même expérience que l'expérience de New York, où là où j'étais, la question de la... Justement, la question religieuse était très, très prégnante et très pesante là où on était. Enfin, vous voyez, c'était une Amérique très puritaine, très blanche, très... Et pour autant, voilà, qui réactivait en moi des fictions anciennes liées, liées à mes 12 ans, je pense, à peu près, entre 12 et 15 ans. La prégnance de la religion et de la morale n'éteignait pas votre inspiration, enfin, votre imaginaire. Non, ça me semblait faire partie de cette espèce de schizophrénie américaine. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, il y a une schizophrénie américaine qui est liée, qui est étonnante et qui est tellement criante que évidemment le vocable de fou arrive très vite, comme ce qu'on dit de Trump, c'est un fou, etc. C'est-à-dire que il y a l'idée de la, par exemple, de la peine de mort. Quand j'étais là-bas, par exemple, il y a eu l'exécution d'une jeune femme, je m'en souviens très bien. Vous voyez, Colorado, c'est un État qui est conservateur. Pour nous, ici, la peine de mort fait quand même signe à vraiment... c'est un temps révolu. Enfin, c'est la pensée de la loi, de la justice, de la réparation, ça a quand même beaucoup avancé. C'est un archaïsme. C'est un archaïsme. Et là-bas, vous voyez, il y a ça, et en même temps, tout le monde était armé. Il y avait des week-ends organisés par la NRA, donc la National Rifle Association, voilà, pour s'exercer, pour jouer, qui donnait d'ailleurs lieu à des barbecues, à des espèces de... Bon, c'est des endroits terribles, mais où, alors là, on est les mains dans la prise du mythe américain, c'est-à-dire je me défends, etc., l'article 1 de la Constitution, tout est comme ça. Et puis sur la morale, le puritanisme... On se dépatouille assez mal, justement, de cette espèce de grand puritanisme et en même temps de ce déballage iconique de bimbo, de toutes ces histoires sexuelles, le fait que les présidents des États-Unis eux-mêmes sont... je lisais un truc sur... sont toujours liés à des scandales sexuels de Kennedy et bien avant. Vous voyez, donc en fait... c'est les mêmes qui, justement, sont impliqués dans des scénarios un peu porno et en même temps qui professent le plus grand puritanisme, l'interdiction de l'avortement, etc. Et ça rend fou, en fait. C'est toujours pareil, quand on est face à un mythe, forcément, le contre-mythe est très violent. Et les États-Unis, c'est par moments une très, très grande déception. Et on l'a vécu, là, ces dernières années avec Trump, c'est... Avec Obama, on avait l'impression que l'histoire avançait. Ça, c'est toujours quelque chose qui pour moi, est terrible. C'est quand on a le sentiment que l'histoire avance, et puis d'un seul coup, vous avez une sorte d'abîme, de régression absolument démoniaque. Et on se retrouve face à un homme, un promoteur immobilier, qui est à la tête des États-Unis et qui aura inventé quelque chose de très particulier pour moi, qui est que, selon lui, la vérité et le mensonge ont la même valeur. Parce qu'en fait, il a une façon une sorte de passage à l'acte dans la façon d'assumer ce qu'il est comme prédateur sexuel d'un côté, comme promoteur immobilier quand même très lié avec des intérêts mafieux pendant très longtemps, parce qu'il ne faut pas oublier que Cohn a été, qui était l'avocat de McCarthy, a été aussi l'avocat de Trump à ses débuts, qu'il a trempé dans des choses extrêmement sordides à New York, dans l'exploitation de migrants, et que cet homme-là, aujourd'hui, représente l'Amérique, une Amérique très affaiblie par lui, en fait. Et donc ça, c'est un moment noir de l'histoire des États-Unis. Et on espère évidemment sortir avec l'élection. Et est-ce que c'est les excès de Trump dans le déni, le mensonge, sont aussi, ce sont des excès humains, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le caractère américain, l'âme américaine qui favorise ça? Oui, ce que je crois, c'est qu'il y a, il y a beaucoup d'hypocrisie aux États-Unis. Il y a un rapport à l'hypocrisie qui est... entre ce qu'on annonce, ce qu'on professe, et ce qu'on est vraiment, et ce qu'on fait vraiment, il y a quelque chose de très... on l'a souvent dit, il y a une grande naïveté, c'est-à-dire qu'on croit les gens jusqu'à ce qu'on les croit plus, mais on les croit jusqu'au bout, alors que si on compare avec le tempérament français, il y a une suspicion chez nous, il y a un esprit critique. Et le peuple américain gobe ses mensonges au nom d'une espèce de forme de nationalisme qu'ils ont, qui est vraiment America First, quoi, qui est quelque chose de... Ils sont les premiers, ils sont les meilleurs. Et en même temps, c'est un pays d'une violence sociale inouïe, avec des gens qui sont là aujourd'hui, des gens qui, d'abord, qui sont très mal nourris, d'où un taux d'obésité comme il n'y en a nulle part ailleurs dans le monde, ce qui en fait évidemment les premiers candidats à la mortalité du coronavirus. Il y a évidemment ce racisme profond dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Et là encore, on a cru quand Obama est devenu président, on s'est dit « bon, ça y est, c'est derrière nous, c'est fini », et on se rend compte que non, on est encore en plein dedans, exactement comme dans les années 60-70, que... Les révoltes de Watts, tout ça, ça n'a pas changé en fait. Black is the color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair. C'est quelle Amérique, celle qui entre dans un taxi jaune à New York? L'Amérique qui rentre dans un taxi jaune à New York, c'est l'Amérique, en tout cas que moi je préfère, c'est une Amérique cosmopolite, c'est une Amérique diverse. Benoît Cohen. C'est une Amérique qui est faite de gens de toutes les couleurs, de toutes les classes sociales. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu conduire un taxi et pas par exemple un Uber, où déjà il faut avoir une carte bleue, il faut avoir un smartphone pour pouvoir prendre un Uber. Là, n'importe qui avec $5 en poche peut rentrer dans votre taxi, si même la personne n'a pas assez d'argent, ce qui m'est arrivé, sortir du taxi sans payer. Et on rencontre donc vraiment, je pense que c'est probablement l'endroit à New York où on rencontre le plus de gens différents. Est-ce que c'est une Amérique où il fait bon vivre, Benoît Cohen? Alors j'ai envie de dire c'est une Amérique où il faisait bon vivre, c'est-à-dire que quand j'ai commencé toute cette expérience de l'Amérique d'abord, puisque j'ai déménagé là-bas avec toute ma petite famille il y a 6 ans, Barack Obama était président. Ensuite on a eu la surprise comme le monde entier de cette accession de Trump au pouvoir, qui dans un premier temps était quelque chose de supportable à New York parce qu'il y avait ce qui est très particulier à l'Amérique, c'est contre-pouvoir, c'est-à-dire l'État, la ville. Le président est beaucoup moins puissant qu'en France, par exemple. C'est un pays tellement immense que, évidemment, tout est beaucoup plus décentralisé. Et donc, les premiers mois, même les premières années, ont été des années plutôt de résistance et finalement pas si désagréables que ça. Mais bon, là, c'est vrai que depuis le début de l'année, la folie de Trump s'est accélérée. Il a senti qu'il était en train de perdre les élections. Et donc, là, c'est un pays qui est en train de basculer dans la dictature. J'ai pas peur de le dire parce que vraiment, on se demande de plus en plus où est la démocratie. Il se comporte comme un dictateur. Et sa folie, qui était déjà une folie destructrice pour la planète, pour les migrants, qui étaient pourtant les gens qui ont construit ce pays et qui font, par exemple, que moi, une ville comme New York me plaît autant parce que cette diversité est vraiment présente et il y a un vrai mélange. Tout ça est en train de disparaître. Alors, il faut espérer que les prochaines élections changent ça. C'est un pays qui est à la fois terrifiant et sublime. Je veux dire, on passe de Bush à Obama, on passe de Obama à Trump. J'espère que maintenant, on va passer à Biden et Kamala Harris, première femme de couleur qui serait vice-présidente. Je veux dire, c'est un pays que j'aime pour ça. C'est un pays des extrêmes avec le meilleur et le pire, mais ça dégage une énergie extraordinaire. Et cette énergie qui est d'ailleurs, je pense, l'énergie qu'on ressent dans le cinéma américain, dans la littérature américaine, et que tellement de gens essayent d'imiter. My estate balance. Well, you heard him, dude. Pick it up. Oh, Pilgrim, hold it. I said you balance. You pick it up. 3-1, Donovan. My boy Pompey. The kitchen door. I'll get it, Liberty. I said you, Liberty. What's the matter? Everybody in this country killed crazy? Here! L'avènement de Trump, il ne faut pas oublier qu'il correspond à l'avènement du numérique. C'est-à-dire que cette possibilité de s'exprimer à tout moment, de dire n'importe quoi sans conséquence. Et c'est très étonnant de voir comment Trump a saisi ça. C'est-à-dire cette espèce de tout venant, de la parole, comme ça. Et en fait, il ne s'arrête jamais de parler, de tweeter, c'est une espèce d'illusion de la communication permanente avec le peuple. Il est l'homme du numérique, parce que le numérique, fondamentalement, c'est la démocratie directe. C'est de dire, mais à quoi vous servent tous ces intermédiaires, tous ces pseudo-intellectuels qui sont entre le président et vous, tous ces fonctionnaires, tous ces gens-là n'ont pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est le contact direct. C'est exprimez-vous directement et le président s'exprimera directement avec vous. Et cette idée de la démocratie directe est quelque part la mort de la démocratie, forcément. Et Trump l'a bien compris en disant aux Américains, vous inquiétez pas, les journaux, enfin, faut voir ce qu'il a dit sur les journaux, c'est inimaginable. Sur les chaînes de télé aussi, bon, à part évidemment Fox News qui le soutient. Et donc, il y a ce côté, mais moi, je suis en contact direct avec vous, vous inquiétez pas. Et puis, évidemment, il y a toute cette folie absolument démente au moment où le réchauffement climatique, maintenant, on est à peu près persuadé que ça nous conduit dans une ornière définitive et probablement funeste. Quand il y a eu les incendies à Los Angeles, enfin en Californie, il y va et il dit « mais vous inquiétez pas, un jour tout ça refroidira ». Et c'est là qu'on voit qu'on est au bout de la politique, on a le sentiment d'être au bout de la politique. C'est-à-dire c'est une forme d'ignominie intellectuelle qu'on a connue bien sûr sous des formes diverses et variées de populisme, de fascisme. Mais là, on est dans une sorte de déni d'intelligence avec l'idée que... Et malheureusement, c'est une constante mondiale, que c'est les entreprises qui mènent le monde, les entreprises du numérique de plus en plus, mais que c'est les entreprises qui mènent le monde et que la classe politique finalement est là uniquement pour servir leurs intérêts, toujours parce qu'il y a derrière cet éternel chantage à l'emploi. Et on a la même chose en France. Est-ce que vous vous intéressez à l'élection présidentielle américaine, Fabrice Imbert ? Le personnage de Trump est un personnage qui me semble assez crucial, en fait, dans la typologie des dirigeants actuels. Enfin, je pense que l'aspect pathologique de Trump est quand même l'annonce d'un nouveau type de dirigeant. Je pense qu'il y a souvent quelque chose de pathologique chez les dirigeants, par ailleurs. Mais ce qui est très curieux avec un personnage comme Trump, donc pour la modernité, c'est qu'il a cette étrange capacité d'indifférence complète. C'est-à-dire qu'il me semble que n'importe quel individu normal aurait dû exploser sous la pression, les attaques, les critiques. Mais en fait, tout ce qu'on disait avant son élection de son état psychiatrique, finalement, on a l'impression que ça joue pour lui. Il est incroyablement imperturbable, tenant tellement à la glorification de soi que peu importe toutes ces attaques, puisque finalement, elles nourriront son incroyable célébrité. Cette espèce de figure de l'excès et du mensonge généralisé type Bolsonaro, mais aussi malheureusement Johnson, c'est quand même un type qui se développe beaucoup. You and mommy is a babe. Babe with the power. Power of voodoo. You do. Mommy is the babe. Quiet! A goblin babe. Quand j'avais 11-12 ans, mes premières vacances aux États-Unis, chez mon amie Aline Broche, qui habite dans le New Jersey, on a 11 ans toutes les deux, et on lit toute la journée du matin au soir, et on le relit par moi-même de Lorraine Bacall, l'autobiographie de Lorraine Bacall. Donc dans cette maison du New Jersey, au bord d'une piscine en forme de cacahuète, chez ses parents. Donc ses premières vacances aux États-Unis, donc j'ai 11 ans, et je vais d'abord rejoindre ma famille américaine. Et pour le premier voyage, donc à l'âge de 11 ans, c'est pour le mariage de notre cousine Faye, qui se marie dans le New Jersey, donc c'est un mariage à l'américaine. Et ma grand-mère me prévient, parce qu'on va y aller avec elle, qu'aux États-Unis, tout est plus grand, même les petits pois, elle me dit. Et le premier souvenir chez l'oncle Naoum dans le New Jersey, à Springfield, dans sa maison, c'est l'épaisseur de la moquette. Il habite dans une maison qui n'est rien d'extraordinaire, mais la moquette est très, très épaisse. Donc pour moi, voilà, l'Amérique, c'est d'avoir ça, cette moquette très épaisse. Et puis le mariage à l'américaine avec les jeunes filles, qu'on appelle ça, les jeunes filles qui accompagnent la mariée. Les demoiselles d'honneur. Les demoiselles d'honneur qui sont toutes en robe gris-argentée. Mon grand-oncle qui a le même costume, le smoking gris-argenté, tout le monde habillé en gris-argenté. Et c'est le débauche du mariage américain. Et puis après, je vais partir pour l'été. Je laisse ma famille pour l'été chez Aline. Aline qui a mon âge et on passe tout le mois de juillet ensemble à lire Lorraine Bacall et à se parler de Lorraine Bacall. Voilà. On connaît les mesures que prend Trump pour lutter contre l'immigration clandestine, mais il n'empêche que l'Amérique reçoit des centaines de milliers d'immigrants chaque année de manière légale, que la structure du pays change en permanence. C'est un pays qui était... Lorsque Kennedy était élu président, c'était entre guillemets un scandale, mais c'était le premier président catholique. Maintenant, c'est un pays qui devient de plus en plus catholique sous l'influence des immigrés d'origine... d'Amérique centrale. C'est un pays qui bouge en permanence. Donc le pays vieillit, mais la population ne vieillit pas. Les paysages urbains change quasiment chaque année. Il y avait des quartiers portoricains à New York qui sont remplacés par des quartiers coréens. Quand j'étais adolescent, voilà, il y avait des quartiers portoricains. Maintenant, ça n'existe plus quasiment. C'est un quartier nord-coréen. Là encore, il y a une forme d'énergie et de... On ne peut pas dire que ça soit un melting pot, comme on nous l'a appris dans nos cours d'histoire dans les années 80, parce qu'il y a des vrais problèmes raciaux, de communautarisme, qui sont tragiques. Mais il y a quand même une espèce de force vitale qui, moi, me fascine dans l'ouverture de ce pays et dans la diversité des gens qu'il compose. Give me a dime, Archie. Call my wife and tell her about my friends. What did you do, darling? Went to a funeral. How was it? Marvelous! How's that for a two-day venture? Good morning, Mr. Zip-Zip-Zip. With your haircut just as short as mine. Good morning, Mr. Zip Zip Zip. Would you hear that this is your is mine? Mon école à Paris est jumelée avec une école à New York, qui est une école mythique qui s'appelle Dalton School, qui est l'école qu'on voit dans Manhattan où Marielle Hemingway, où Woody Allen va chercher Marielle Hemingway. C'est Marielle ou Margot Hemingway? Margot Hemingway, la sortie de son lycée dans l'Upper East Side, et c'est le Dalton School. Donc j'y passe à nouveau, je passe 15 jours à Dalton School. Oui, je pense que j'ai 14 ans. Et là, c'est dingue. Donc, on est en 1980 ou 1981. Et c'est une école où beaucoup de parents sont célèbres. Parmi les lycéens, une jeune fille qui s'appelle Amy Lumet, qui est la fille de Sidney Lumet, qui fête son anniversaire au Studio 54. Donc, elle avait toute la classe, dont moi, au Studio 54 pour son anniversaire. J'ai 14 ans, j'ai jamais fumé une cigarette, j'ai jamais embrassé un garçon. Et je me retrouve au Studio 54, en 1980, donc à la grande époque du Studio 54. Moi qui suis la fille, vraiment pas. Je suis pas du tout une fille cool, j'ai jamais été, mais encore moins à 14 ans. Et donc je me souviens des toilettes où je vois quelqu'un prendre des lunes de coke sur le rebord des toilettes, il m'en propose, je dis non. 14 ans? J'ai 14 ans, Mais celui qui prend de la coke. Ah non, celui qui prend de la coke, c'est une femme, je ne sais pas, c'est une femme, au moins 20 ans, peut-être 25, enfin une vieille, quoi. Je refuse, mais je regarde ce qui se passe. C'est assez banal ce que je vais dire. Mais vous regardez, vous êtes dans la rue à New York et vous regardez, et vous êtes au cinéma. Le spectacle est permanent, dans Central Park, dans la rue. Tout est intéressant. Bien sûr, alors, la fille qui prend de la cocaïne sur le rebord des toilettes, c'est intéressant, mais tout est intéressant. Tout. Le moindre coffee shop est intéressant, la moindre serveuse est intéressante. Pour tout est l'Amérique. Tout est... Oui, tout est cinématographique et tout me fascine. Et vivre dans une famille à New York, ces quelques semaines... J'ai l'impression moi-même d'être un personnage d'un film ou d'un roman américain. Et puis ces campus où pareil, je me sens que je suis en vélo, j'écoute David Bowie, Young Americans, et j'ai l'impression d'être, Young Americans. Une star, non, c'est pas une star, mais en tout cas d'être ces Young Americans célébrés par David Bowie, fait partie de cette histoire-là. My life's a funny thing. Am I still too young? He kissed the band on there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She wants a young American. Il y a un caractère américain, mais il y a surtout un caractère new-yorkais, un caractère californien, un caractère... C'est un pays continent, donc je veux dire, les caractères sont très différents qu'on soit à New York ou à Tucson en Arizona. Ce qui est propre à tous les États-Unis, c'est l'individualisme. C'est-à-dire, c'est à la fois des gens extrêmement généreux, avec un sens civique très très développé, mais qui détestent qu'on touche à tout ce qui est leur propriété. Et donc, en fait, par exemple, et leur liberté surtout. Donc, par exemple, alors que les Français étaient confinés avec interdiction de sortir, on devait montrer une attestation, etc. Aux États-Unis, ça, c'est impossible. Aux États-Unis, on conseillait aux gens de rester à l'intérieur. Tout le monde a porté des masques, enfin, en tout cas, dans des villes comme New York ou Los Angeles, les gens ont porté des masques dès le début. Donc, et on pouvait sortir quand on voulait. Mais comme ils ont, aux États-Unis, un sens civique souvent plus développé que dans des pays latins, les gens sortaient très peu de chez eux. Mais par contre, cette individualisme, ce sens de la propriété et de la liberté est vraiment quelque chose de très fort et qu'on sent en permanence aux États-Unis. Mais ce qui n'empêche pas que si, par exemple, vous vous cassez la figure dans la rue, 5 personnes vont s'arrêter, vous demandez, ou vous sortez un plan, par exemple, vous êtes un touriste, vous sortez un plan dans une rue de Manhattan, immédiatement quelqu'un va venir vous voir, vous croyez qu'il veut vous demander de l'argent, c'est juste pour vous guider, et ça, c'est très, très fort. What I got. You turn the heat on me. Some like it hot. Chantal Thomas, vous aimez beaucoup les États-Unis. Lorsque vous étiez jeune adulte, comment entendiez-vous parler des États-Unis? Qu'entendiez-vous dire des États-Unis et quelle idée en aviez-vous avant d'y aller? Avant d'y aller, il y avait deux types d'influences, si je puis dire, ou de vision des États-Unis. Une que j'avais eue très tôt, en lisant en particulier L'attrape-cœur de Salinger, qui est un livre que j'adorais, et que j'ai lu au lycée, et qui m'a tout de suite fait sentir une des possibilités des États-Unis, qui était la fugue. Et cette ère de liberté qui pour moi venait de ce texte et plus largement déjà de New York m'a impressionnée. Après, comme c'était dans les années 68, il y avait tout un discours de Sartre par exemple, ou des jeunesses communistes parfaitement hostiles aux États-Unis et à l'impérialisme américain. Donc il y avait les deux. Mais l'influence ou la voie à laquelle je croyais le plus, c'était celle de la littérature. Et j'avais lu déjà Hemingway, Anaïs Nin et surtout Henry Miller. Donc cette configuration me disait quelque chose qui me laissait assez indifférente à cette vision globale de l'anti-américanisme ou même boire un Coca-Cola était politiquement incorrect. Et en arrivant aux États-Unis, est-ce que ce qui faisait horreur à Sartre et aux communistes, c'est-à-dire l'argent, l'utilitarisme, le matérialisme, est-ce que vous, ça vous a plu? J'ai pas vu ça du tout. Et surtout, je suis arrivée à New York dans une ville qui, à ce moment-là, c'était en 76, était vraiment une sorte de démonstration de l'échec absolu du capitalisme, puisque c'était une ville complètement en ruine, c'était une ville en faillite, déclarée en faillite, et l'impression que j'ai eue, c'était justement du côté d'une sorte de fragilité existentielle et d'errance. J'ai tout de suite été séduite par... Oui, parce qu'il apparaît après dans, ou que j'ai découvert après dans Kerouac, Ginsberg, et une manière d'habiter la ville en voyageur. C'était à la fois leur ville, puisque vraiment, surtout Ginsberg, il s'est vraiment fait le chantre de New York, et ses poèmes sont merveilleux sur New York et ailleurs. Mais ils indiquaient aussi... le déracinement ou le choix passager d'habiter. Et ça, c'est vraiment une chose que j'adore, oui. Puisque vous êtes, c'est la ville d'abord, Chantal Thomas, qui vous a plu. Comment avez-vous réagi en allant ailleurs aux États-Unis et notamment dans les... Vous avez traversé des déserts. Oui, ouais. Oui. Après, j'ai habité, même j'ai enseigné en Arizona. Oui, mais là, ce qui m'a plu, c'est un peu l'inverse de New York, c'est-à-dire le désert, le vide, l'incroyable contraste entre le comble de la ville, qu'est New York, de la sophistication, et aussi de l'européanisation, et des choix politiques qui sont d'ailleurs très, on le voit maintenant, qui sont complètement à l'opposé du choix, par exemple, de l'Arizona, ou du Texas, ou du Sud, et ce vide, ce caractère loin et loin du reste des États-Unis, c'est une immensité. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est assez dur à comprendre d'ici. C'est vraiment immense et il n'y a pas de coordination. Tout le problème actuel. Vous avez Laure Mandeville, était 8 ans correspondante du Figaro aux États-Unis. Qu'aimez-vous particulièrement de la vie aux États-Unis ? Oui, alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé de la vie aux États-Unis, c'est justement cette effervescence, individuelle, cet enthousiasme en fait, et capacité d'action des individus, et mobilisation au niveau, communautaire. Et pour moi, c'est à la fois une découverte, parce que je croyais au départ que les États-Unis c'était un pays d'individus, et je me suis aperçue qu'il y avait c'était un pays de communautés. Et donc, à travers les communautés, quand vous arrivez à rentrer dans des communautés, vous voyez comment ils agissent. Tout finalement devient une communauté. Le fonctionnement d'une revue, quand les gens finalement se regroupent, d'une communauté autour d'une école sportive, etc. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je trouvais que ça permettait d'avancer toujours. Les Américains ont une grande capacité à agir quand ils s'enthousiasment. Et ils n'attendent jamais que les choses viennent d'en haut. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. En même temps, c'est aussi un peu le travers, parce que parfois, il y a aussi des frontières qui se créent entre ces communautés. Et on passe pas toujours de l'une à l'autre de manière extrêmement facile. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Donc, j'ai aimé beaucoup voyager à travers ce pays et découvrir la variété, en fait, de ses habitants, que c'est finalement beaucoup plus varié qu'on imagine et qu'il y a des différences importantes entre l'homme du Midwest et une espèce de à la fois de caractère tempéré, de gentillesse, de sérieux qu'on y trouve, et puis le Sud plus passionné, mais aussi avec beaucoup de chaleur, une espèce d'accueil qu'on peut trouver, les complexités aussi de l'histoire américaine. Tout ça m'a formidablement fascinée. Nous n'avions ni guide, ni plan. Pas la moindre représentation de New York. Il faisait chaud. Nos sacs de marin sur l'épaule, suantes sous nos chapeaux péruviens de feutre noir, nous marchions dans un bain de vapeur. Nous étions à Manhattan, c'est tout ce que nous savions. En sortant d'un métro, nous nous sommes arrêtés dans un bar, en face d'un terrain où des hommes jouaient au basketball. Des types immenses, des athlètes. Ils couraient et bondissaient, et celui qui envoyait le ballon dans le filet le faisait à chaque fois comme sans effort, du bout des doigts. Il se dégageait de ses joueurs, dans cette chaleur, un effet rafraîchissant. Une force facile, naturelle. Dans le bar, une fille noire, ultra maquillée, habillée d'un short en satin blanc et dont la haute taille était accentuée par ses talons aiguilles, est venue nous causer. Elle avait un port de reine, qu'une douce ébriété ne démentait en rien. Elle nous a félicités pour nos chapeaux et pour les rubans jaunes et rouges à la ceinture et au bas de nos jeans. Nous lui en avons offert, qu'elle s'est nouée dans les cheveux. Il était déjà tard, nous n'avions aucune idée pour la soirée. Comme d'habitude, nous étions sans projet. Elle nous a parlé de Staten Island comme d'une jolie excursion gratuite, idéale pour une unique visite à New York. East Village Blues, Chantal Thomas. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and... Pour moi, tout se passe à New York. Et je suis allée à San Francisco ou à Los Angeles. Je vois bien la beauté de la Californie et c'est une beauté naturelle qui me touche beaucoup. Mais pour moi, la ville, c'est New York. Oui. Le lieu d'où tout palpite, c'est New York. Oui. Est-ce que vous êtes gênée lorsque vous êtes aux États-Unis par l'envers du décor, c'est-à-dire une grande liberté, mais aussi un puritanisme important? Une importance de la religion. Oui, alors bon, quand j'ai habité l'Arizona ou Boulder, Colorado, j'ai vu autre chose des États-Unis, justement, un conformisme et oui, l'importance de la religion. Ou quand j'étais, je suis allée en Arizona, je faisais un cours sur sur Barthes, justement, mais aussi sur Sade, et c'est vrai que ça passait très mal. Mais gênée, encore une fois, quand on est à New York, on vit dans une sorte de bulle. Et tout en sachant très bien qu'on ne représente qu'une minorité, à la fois intellectuelle et politique. Pas exactement vrai. Vous suivrez de près, Chantal Thomas, l'élection présidentielle? Ah ben oui, oui, oui. J'ai suivi de près la précédente, hélas, oui, oui, oui. I was being ferried down the coast in a Navy PBR, a type of plastic patrol boat, pretty common sight on the rivers. They said it was a good way to pick up information and move without drawing a lot of attention. That was okay. I needed the air and the time. Only problem was I wouldn't be alone. Morning, Captain. The crew were mostly just kids. Rock and rollers with one foot in their graves. La littérature et la poésie américaine qu'ont-elles qui tient aux États-Unis et que nous, en Europe, nous n'avons pas? Oui. Qu'est-ce qu'elle dégage qui est typiquement américain? D'abord, elle dégage quelque chose qui n'est pas du tout français, au sens où, en France, disons que l'essentiel continue de se jouer à Paris. Et que Paris continue d'être, je ne le crois pas, mais Paris continue d'être ce qui a été posé depuis toujours, même depuis l'Ancien Régime, avec le déplacement de Versailles à Paris. Mais ça continue d'être le centre. Et ce qui s'est joué avec la poésie américaine, c'était pas du tout comme ça. C'était à la fois New York, mais également la Californie, et aussi, pour le jazz par exemple, le Colorado, Denver. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout. Et ce que la poésie américaine nous dit et voulait faire découvrir, c'était une sorte, Patti Smith a parlé d'attaque frontale du rock, c'était quelque chose autour de l'attaque frontale, et quelque chose qui mêle intrinsèquement l'écrit, la parole, et surtout le jazz et le rythme. Et ça, c'est leur apport, vraiment. Et je pense que c'est pour ça aussi que la poésie, bon, qui aux États-Unis est publiée chez des petits éditeurs, mais quand même existe, ici n'a pas d'écho. Les poètes ici n'ont pas de lieu, de scène, de café, de... Voilà. Mais j'ai été réellement chamboulée en arrivant à New York et en allant à St. Mark's Church, d'en s'occuper déjà Anne Wadman, et de voir l'intensité que ça avait et l'importance dans la vie des gens. Et que ce soit une performance. En fait, voilà, voilà. Pour moi, le grand choc, ça a été de passer d'un espace où l'écriture est une affaire très privée, sinon secrète, et puis un jour, il y a ou il n'y a pas la publication, mais entre les deux, il n'y a pas d'intermédiaire, à un lieu où on écrit un poème et on pouvait aller on l'écrivait pour le soir, pour des amis, pour le lire. Alors, c'est complètement différent. C'est joyeux. Et le fait qu'il n'y a pas non plus de différence entre le tu et le vous, ça c'est très important. C'est très important dans les traductions aussi. C'est essentiel, je trouve, le passage du tu au vous. Maintenant, c'est en train de s'effacer aussi avec le email. Il y a mille ruses pour effacer la question du pronom et la question de la distance. Mais quand aux États-Unis, une des choses qui m'a frappée dans leur culture, c'est oui, en effet, on se parle très facilement. J'ai trouvé ça bien aussi. Vous pensez, Chantal Thomas, que ça a pu influencer ou imprégner votre écriture à vous lorsque vous écrivez, par exemple, sur New York, cette facilité, cette fluidité? Ce qui a changé pour moi, c'est que quand je suis arrivée à New York, je venais juste de quitter le séminaire de Roland Barthes à l'école pratique d'autres études et de soutenir ma thèse sur le Marquis de Sade. Donc j'étais vraiment... j'arrivais d'une autre sphère, réellement. Et presque immédiatement, j'ai écrit des courts récits, des textes en prose. Oui, je me suis sentie très libre. Mais dans la facture même de mon écriture, dans ma recherche des phrases, non, ça ne m'a pas influencée. J'ai complètement gardé, et je le garde toujours, un rapport à la phrase qui est beaucoup plus du côté... 18e siècle, mais un 18e siècle animé de musiques différentes. Wanna dance? No. I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. And now I want to dance, I want to win, I want that trophy. So dance good. All right. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. Est-ce que vous aimez en France, qui n'existe pas aux États-Unis et qui permet, dans la vie intellectuelle et dans la vie professionnelle? Oui, alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Américains et les Français, finalement, sont des peuples assez opposés. Tocqueville le montre très bien. On a un peuple extrêmement centralisé en France qui a construit la démocratie sur les ruines de l'Ancien Régime. Et donc ces ruines sont toujours là, puisqu'on nous sommes aussi ce que nous avons été, toujours, au niveau individuel comme au niveau collectif. Et les Américains sont justement un peuple très décentralisé, comme on l'a dit. Et donc tout ça, on le voit dans la manière d'agir. Et donc, par exemple, les Américains, en général, agissent avant de réfléchir. Et pour moi, c'était toujours une sorte de stupéfaction de voir qu'ils s'engagent tête baissée, sans réfléchir, dans une aventure potentielle. Alors ça a des côtés formidables, quand par exemple il s'agit de se lancer par exemple dans la création d'une entreprise, on y va et on voit ce que ça donne, et après, si c'est pas bien, on change de direction. Mais évidemment, dans certaines entreprises de la vie, ça donne des résultats beaucoup plus catastrophiques. Souvent, ils mettent la réflexion intellectuelle au service du projet qu'ils ont décidé pour des raisons pragmatiques. Et donc, il n'y a pas de principe de précaution aux États-Unis. Et ce que moi je trouve est une force des Français, c'est que comme nous sommes un vieux peuple, nous réfléchissons. Et c'est aussi le cas dans les matières intellectuelles, et je trouve que c'est un des avantages que nous avons, c'est que, en général, nous pesons toujours le pour et le contre. Et donc, les Français, avant de s'engager, réfléchissent au pour et au contre. Et c'est vrai que c'est aussi la force de notre tradition intellectuelle, c'est la thèse et l'antithèse, et après la synthèse. Ou alors vous avez beaucoup de mal à agir et vous êtes donc toujours dans la réticence et dans la prudence, et que c'est parfois excessive, la théorisation excessive aussi, et alors qu'il vaut mieux commencer à créer puis voir ce qui se passe. Et donc je crois que il y a évidemment un équilibre à trouver entre ces deux traditions, mais c'est vrai que sur beaucoup de choses, je me dis quand même que les Français ont aussi beaucoup à donner aux Américains. Je pense par exemple à des sujets comme la question justement de la laïcité, du rapport à la religion, où les Américains, tout en ayant ce principe religieux qu'on ne peut que respecter, ont parfois beaucoup de mal à comprendre et penser par exemple la question de l'islamisme aujourd'hui et à comprendre ce qui se passe véritablement en Europe. Je crois que là-dessus on a certainement, sur le plan intellectuel, on voit aujourd'hui des choses à apporter. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. L'Amérique des écrivains français. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. C'était l'Amérique Bigger Than Life avec Oliver Gellmeister, Marc Duguin, Maïlys de Kerangal, Benoît Cohen, Colombe Schneck, Fabrice Imbert, Laure Mandeville et Chantal Thomas. Lecture Maud Jussaume. Prise de son Yann Frécy, Élodie Royer et Claude Nior. Mixage, Claude Nior. New-Yorkaise, Californien, autrice, lecteur, voyageuse, cow-boy ou américanophile, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter au Grand Canyon, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Jules Crétois et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Thank you.